La la la la la la la la. On attendra, oui, tout le temps qu'il faut. Mais on lave belle, belle, belle, comme celle du salon de l'auto. Tous les deux, au beau jour de l'été, je conduirai, moi je serai à côté. La vie sera belle, belle, belle, les vacances vont commencer. Nous irons à Venise, nous irons à Dublin. On a déjà acheté deux valises, je crois que ça commence bien. Quand on pourra se payer une auto, on attendra, oui, tout le temps qu'il faut. Mais on lave belle, belle, belle, comme celle du salon de l'auto. Les samedis, dimanches et jours fériés, on en aura des choses à regarder. La vie sera belle, belle, belle, les vacances vont commencer. Si un jour tu me quittes pour un amour nouveau, moi je viendrai te prendre bien vite, avec toujours ta petite auto. Quand on pourra se payer une auto, on attendra, oui, tout le temps qu'il faut. Mais on lave belle, belle, belle, comme celle du salon de l'auto. Tous les deux au beau jour de l'été, je conduirai, moi je serai à côté. La vie sera belle, belle, belle, les vacances vont commencer. La la la.